Le 15e concours national des amateurs de pêche à la ligne a eu lieu le 14 courant à la rivière Botong de Pyongyang. Une soixantaine de joueurs sélectionnés par les associations des amateurs de pêche à la ligne de la ville de Pyongyang et de toutes les provinces y ont participé. Le classement a été défini par le nombre et le poids général des poissons pris à leur donnée. Les prix ont été remis au terme du concours. Il y a eu le même jour l'exposition d'instruments de pêche à la ligne inventés avec plus de 2370 pièces de plus de 280 sortes présentées par plus de 90 membres des associations des amateurs de pêche à la ligne des provinces, villes et arrondissements.